dans le cadre du déjeuner causerie sur le transport. Là, évidemment, il y avait un scrum, un impromptu de presse qu'on appelle, avec plusieurs journalistes autour de lui. Et Stéphane Gass. Oui, Stéphane Gass qui s'est déplacé. Mais c'est drôle d'entendre certains journalistes pratiquement réclamer des voies réservées et plus de transports en commun. Le thème de la journée hier, c'était un tramway, oui, mais. Ouais. Et Régis Labeaume m'a remis les pendules à l'heure. Premièrement, le tramway, là, moi, c'est collé, c'est décidé. C'est... La conclusion, là, c'est qu'on verra pas ça avant 2020. Non, il y en aura pas, et il y en aura pas dans ce mandat-là. Je pense qu'on l'a tous compris. Puis Régis Labeaume a été très brillant, là. C'est qu'il dit, ah, un tramway, oui, c'est le fun, mais moi, je le paierai pas. C'est le gouvernement provincial qui va payer la note du tramway à Québec. Puis, tu sais, le PQ est un peu pogné avec ça, parce que le PQ le dit, là. Nous autres, c'est l'électrification des transports qui compte, puis c'est important le transport en commun. Puis, fait que le PQ est pogné avec la patate chaude du tramway, là. Là, matin, il y a des enverdeurs puis des petits lobbies qui sont pas de bonne humeur après Régis Labeaume, puis qui se demandent comment ça se fait qu'ils essayent d'aller chercher le vrai monde alors qu'il est à 80% des sondages. Vous avez rien compris. Non. Pourquoi Régis Labeaume parle au vrai monde présentement? Parce qu'il n'y a rien à perdre et rien à gagner. C'est parce que l'élection est réglée. Il n'y a pas d'opposition. Ils sont pas là, sont pas ces bons sujets. Pas bon. Quand ils sont pas là, on dit qu'il faudrait qu'ils parlent. Mais quand ils parlent, on dit que ce serait peut-être mieux qu'ils soient pas là. Je veux dire, ils font pas le job comme faut. Régis Labeaume a gagné son élection. Ce sera peut-être même un couronnement total lors de l'élection, ce qui est pas une bonne nouvelle nécessairement, même si t'es un grand défenseur et un grand fan de Régis Labeaume. Idéalement, ce serait le fun d'avoir quelques conseillers d'opposition autour de la table, mais ça se peut qu'il n'y en ait pas, là. Ça se peut qu'il n'y en ait plus un, là. Mais la raison pour laquelle Régis Labeaume a décidé de parler aux automobilistes puis de parler au monde de Québec, c'est parce que, justement, il a une avance qui est insurmontable. Puis là, on dirait que tu te préoccupes moins de qu'est-ce que le journaliste va écrire, qu'est-ce que tel gars de tel lobby va dire, qui va partir une pétition, comment les lobbies puis les gens qui ont rien à faire vont réagir, parce que souvent tu fais de la politique juste pour eux autres, parce que on prend pour acquis que si t'es pas sur Twitter, la politique, ça t'intéresse pas. Si tu lis pas la chronique éditoriale dans le Journal de Québec ou dans le Journal Le Soleil, la politique, ça t'intéresse pas. Si t'écoutes de la musique le matin, la politique, ça t'intéresse pas. Si t'écoutes des radios poubelles, c'est encore pire. T'écoutes des niaiseries puis des caves qui disent des niaiseries. Tu peux pas t'intéresser à la politique, c'est impossible. Ben, coudon. Ça prend tout ça pour qu'un politicien nous parle. C'est rare. Puis pour une fois qu'il nous a parlé, on est aussi bien de l'écouter, Jérôme. Regarde, Régis Labeaume a tenu hier un de ses meilleurs discours depuis qu'il est maire. C'est tout simple que ça, là. Un discours réaliste, terre à terre, groundé. Et ce qu'on a entendu hier, c'est un politicien qui est à l'écoute de ses citoyens. Il s'appelle Régis Labeaume. C'est ça qu'on a entendu hier à l'Hôtel Pur. À l'année longue, vous avez l'impression que vous êtes pire que, je sais pas, moi, un gars qui répand le sida parce que vous êtes un automobiliste? Ouais. Il y a quelqu'un qui a décidé de vous parler hier, puis il s'appelle Régis Labeaume. Ben écoutez les journalistes au point de presse qui sont totalement fessés d'entendre Régis Labeaume dire que des voies réservées, on n'a pas besoin tant que ça. Faut élargir les autoroutes, puis le tramway, on verra. Improvisation simple ayant pour titre « Un tramway, oui, mais ». Durée 10 minutes, interprète Régis Labeaume. Le mais, M. Labeaume, est-ce que c'est une question d'acceptabilité pour la population, vraiment une question de finance? Si le gouvernement finance la totalité, ça vous aide à faire passer le projet? C'est plus que ça. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas de chapelle. Hein? On veut un réseau routier total. On veut l'élargissement de Laurentien, l'élargissement d'Henri IV. On veut un superbe réseau routier parce qu'on pense que l'automobile électrique s'en vient. On veut qu'actuellement, hein, tous les projets de métro, Laval, Montréal, c'est toujours payé à 100% par le gouvernement du Québec. Pourquoi ce serait pas la même chose pour un tramway? La réponse, il n'y a aucun sens. On dit au gouvernement, si vous voulez taxer l'essence, continuez à le faire, d'autres on le fera pas. D'ailleurs, on a fait la preuve, c'est 8 millions, puis on trouve que ça n'a plus de bon sens. Cette idée qu'on peut taxer impunément, sans arrêter, l'essence, ça n'a plus de sens à partir du moment où c'est 21% du budget familial. S'ils veulent le faire, qu'ils le font, d'autres ne le feront pas. Et d'autre part, le tramway, ça va. Et le gouvernement fédéral doit embarquer. Dans l'OCDE, c'est le seul pays qui n'a pas de programme prévisible. Ça n'a aucun bon sens. Alors, c'est assez simple. Et en même temps, là, on me dit, je viens d'avoir des téléphones, parce que pendant que je parlais, il y a du monde qui appelait. Mon chef de cabinet pour me rassurer. C'est toujours bon, dans le fond. Semble-t-il qu'il n'y a pas de changement pour Henri IV. Là, on va vérifier pour Laurentien, parce que Laurentien, on le veut à trois voies tout le long et pas de voie réservée en passant. Sur Laurentien, on parle pas de voie réservée. On est convaincu que les autobus vont très bien passer. Quand la capitale est sous-mense, on met ça à trois voies, c'est réglé à 90% le problème de circulation. Henri IV, il faut que ça se fasse. Et la question, c'est quel est l'état de la circulation à partir du moment où tous ces travaux-là sont faits? Mais il n'y a personne qui a réponse. Moi, je pense qu'il n'est pas parfait, mais qu'il va être simplement performant. C'est juste qu'aujourd'hui, quand tu es embêté à passer sur Robert Bourassa, la même chose sur Duplessis, sur Laurentien avec le pont de sous-mense, ça devient compliqué. Ce que je dis aux gens, on sait exactement où on s'en va. Le plan est clair. C'est juste que là, tant que ça ne serait pas réalisé, on ne sait pas quel sera l'état de la circulation. Et en même temps, on a convaincu le gouvernement de mettre 1 milliard dans le réseau à Québec. Je suis certain que Montréal aurait voulu avoir 1 milliard additionnel, mais on l'a convaincu de mettre ça à Québec. Maintenant, quel sera l'état une fois qu'on a tout ça? Parce que tout ça, ça donne, dans le fond, une autoroute à 4 voies. Tout ce qui s'additionne avec ces 4 projets, les 4 projets sur ces artères-là, c'était comme si on avait une autoroute à 4 voies. Mais là, il faut le faire, le problème. Puis le problème de Robert Bourassa, ça va être fabuleux quand ça va être fini, ça va avoir été pénible. Comme ça va être pénible pour Henri IV, mais c'est ça où on le fait pour. Est-ce que vous avez d'autres discussions avec M. Godreau, qui lui semble tenir drôlement une voie réservée sur non, Henri IV? C'est non, la voie réservée. Il n'y en aura pas. Puis là, c'est un bon gars, il va comprendre, là. Puis c'est pas de voie réservée aussi sur Laurentien, là. Ça, c'est notre affaire. Tout le monde dit qu'il va y avoir une voie réservée sur Laurentien. Le RTC veut ça, moi, je veux pas. Mais les voies qui privilégieraient le covoiturage, là, vous voyez ça où? Ah, bien, sur Robert Bourassa, puis sur les 800, sur toutes les voies réservées à Québec. Express, 800, Robert Bourassa. Mais Robert Bourassa, c'est une express. Tout ça, aussitôt qu'il y a 2 passagers, ça devrait embarquer là-dessus. Avez-vous vu 50 000 de véhicules de moins si on passe de 1,2 passagers à 1,5? Je sais pas ce que ça va donner à 2 passagers. J'ai l'impression que ça peut être 100 000 véhicules de moins. Ça a l'air de rien, là. 100 000 véhicules de moins, ça commence à faire du véhicule. Mais là, le problème, c'est de ceux qui conceptualisent ça, disent, bah, ça va être compliqué, les voitures, mais là, les autobus, c'est pas parce qu'il n'y en aura pas des dizaines de milliers. Mais notre objectif, c'est clair, c'est que tous les véhicules, il y a 2 passagers dans la voie rapide. Ça va être extraordinaire comme changement, juste ça. Les chauffeurs du RTC qui seront pas contents. Ben, écoutez, là, s'il n'y a rien de parfait dans la vie, l'important, c'est que moi, je sois content, que le monde soit content. Monsieur Labeaume, les experts en mobilité durable vont être contents du covoiturage, mais sur les stationnements, sur le tramway, on verra, sur les autoroutes qu'on élargit. C'est-à-dire que le tramway, on fait juste placer nos conditions. Parce qu'éventuellement, on va pouvoir parler de financement. Puis en même temps, les gens nous disent, ouais, mais suivez-vous les nouvelles technologies? La réponse est oui. Tout le monde veut pas un tramway dans les grandes villes en Occident. Les technologies se développent constamment. Alors, on garde quand même un œil ces nouvelles technologies en se disant que, tu sais, on a l'étude l'année prochaine. Après ça, il y a des discussions avec le gouvernement. Peut-être qu'il va arriver un nouveau système, je sais pas, moi. Quelque chose de très performant, différent. Ça regarde ce qui se fait au Japon, ce qui se prépare au Japon pas en Chine. L'espèce de métro magnétique urbain. Bon, c'était un peu fou, mais excusez-moi, il y avait bien des affaires qui étaient folles, puis aujourd'hui existent. Alors, ce qu'on dit, c'est que technologiquement, il faut garder une veille très, très serrée. On peut pas fermer les yeux. Il faut absolument qu'on sache ce qui se fait ailleurs. Et on le fait constamment. L'autre question, c'était? Les autoroutes, les stationnements. Ben, moi, c'est parce que nous autres, il n'y a pas question de restreindre la circulation sur ces autoroutes, puis avoir moins de stationnements pour convaincre les gens de prendre la mobilité, des transports collectifs. C'est contre tous mes principes. Au contraire, augmentation des stationnements, des cases de stationnement aux centres-villes. Augmentation. Mais plus aucun stationnement de surface. Plus aucun. Il y a des gens d'affaires qui veulent gérer, ils sont prêts à gérer des stationnements. Alors, puis on a fait normalement l'inventaire des lieux où on pourrait permettre de creuser des stationnements souterrains gérés par le privé. Mais l'important, c'est pas de restreindre. Augmenter le nombre de stationnements, c'est clair, clair. Pardon? La congestion va pas revenir quand les autoroutes vont être remplies, que les gens vont être allés habiter plus loin. Moi, je pense pas. Ouais, mais c'est parce que je refuse de restreindre la circulation pour convaincre les gens de prendre du transport collectif. Ils prennent du transport collectif parce que c'est payant pour eux autres. Parce que c'est plus utile pour eux autres. On peut pas convaincre les gens de prendre du transport collectif en les restreignant. Puis je rappelle, là, moi, je suis convaincu que la voiture électrique s'en vient. Ben, je regrette, c'est pas comme un hélicoptère, la voiture électrique. Faut que ça passe quelque part, faut que ça se passe quelque part. Admettons que dans 10 ans, il y a des voitures électriques partout. Plus de gaz à effet de serre, mais il faut qu'ils stationnent pareil quelque part. Faut aller plus loin que notre thé, là. Moi, je pense que dans les prochaines années, il va y avoir des transformations majeures. Et donc, c'est l'augmentation des stationnements, c'est sûr. Et en même temps, au point de vue de l'aménagement, on va enlever ces ladders-là qui sont les stationnements de surface. Puis en même temps, on va bâtir, on va faire de l'argent. Qu'est-ce qui justifie votre changement de ton? Quel changement de ton? Ben, on a l'impression que vous parlez plus de voitures que de train. Non, c'est parce que actuellement, il y a beaucoup d'embouteillages, puis les gens me posent beaucoup de questions sur le tramway catastrophe. Alors là, avant la campagne, je m'étais clair et ça pour dire exactement aux gens où je m'en vais. Puis les bouchons, le monde veut savoir, la ville, sais-tu où on s'en va, le ministère, sais-tu où on s'en va? Le monde avait besoin de réponses. Puis il est temps qu'on les donne, parce que, tu sais, j'en parle à la radio, des fois, je vous en parle à vous autres, mais un portrait global, cohérent, on était dû pour ça. Vraiment dû pour ça. Lors de la visite du maire de Strasbourg, je me souviens, lui avait dit le discours contraire, qu'il fallait, la seule façon de forcer les gens à prendre le transport en commun, je me souviens, j'étais là, c'est de forcer les gens à prendre le transport en commun, qu'il y a des avantages, et donc... Philosophie, moi, je suis pas d'accord. On est des Nord-Américains, et premièrement, les villes sont beaucoup moins densifiées, en tout cas, quant à Québec. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je ne ferai pas ça. De toute façon, je pense qu'on n'a plus besoin. L'automobile coûte tellement cher. On convaincra pas les gens en restreignant la circulation automobile. C'est ridicule. Ridicule. Ridicule. On fera pas ça. Et je pense que juste pour une question de coût, juste une voiture, c'est une grosse différence d'un budget familial. C'est pour ça que tu vas prendre le transport collectif. Pas parce que les gouvernants ont tout fait pour te barrer les pieds puis te restreindre dans la circulation automobile. C'est pas intelligent. Ils le feront. Regarde, peut-être qu'ils ont raison. Moi, je le vois comme ça. Le problème, c'est le chemin. Pour les stationnements de surface, M. Labeaume, je me souviens que votre souhait pour l'amphithéâtre, c'était de confier tout ça au privé. Finalement, là, c'est la ville qui se charge d'aménager les stationnements. Ah, ben la ville... attends, c'est pas tout à fait réglé. Ah oui, il y a un business là-dedans. Il y a un business qui est... Même pour j'ai pas fait les calculs, hein? Même pour l'amphithéâtre. Attends un petit peu pour l'amphithéâtre, c'est pas tout réglé, là. Ça va être très moderne, l'amphithéâtre, mais là, c'est pas tout réglé. Je fais mieux pour ne m'en occuper. Mais c'est juste que les revenus, je vais avoir les revenus, mais je vais avoir le trou, fait que je vais m'en occuper. Ouais, puis comme, c'est ça, Québécois avait les revenus. Alors, je pense qu'on va, d'une façon ou d'une autre, on va le garder. Alors, mais pour le reste, il y a un business là-dedans. J'ai jamais fait le calcul, mais ça a l'air que c'est payant. Alors, c'est pas pire aller dans un stationnement que payer d'un parcomètre, dans le fond. L'important, c'est de multiplier les places. Et si on multiplie les places, il ne prend pas à augmenter les tarifs trop parce qu'il va y avoir beaucoup de places. Si l'offre est forte, on va être capable de garder des prix équilibrés. C'est ça notre philosophie aussi. Est-ce que vous pourriez développer les couloirs que vous destinez au tramway pour mettre des autobus dessus d'abord, puis ensuite éventuellement mettre un tramway? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. On va attendre là, dans un an ce qu'ils vont nous proposer parce que il y a, dans un an, il y a tout l'échéancier, là, puis les étapes, on en a pour quasiment 10 ans. Il faut voir ce qu'ils vont nous dire. Honnêtement, je ne me suis pas beaucoup attardé ces derniers temps là-dessus, je l'espère. Finalement, avez-vous constaté que c'est difficile à vendre auprès de la population, comme moi? Non, je pense que son ciment, on va le vendre. Mais c'est juste que. C'est juste que la population veut savoir si elle va payer. Hein. Sa première préoccupation, c'est pas qu'il va passer en ville, c'est qu'elle se demande comment ça va se payer. Qui va le payer? Ça, c'est simple. On veut comme Montréal-Laval. Comme le métro, c'est le gouvernement qui paye. Ça, c'est la première réponse que je voulais donner aujourd'hui aussi. C'est le gouvernement qui paye, puis le fédéral en bas. Une fois que tu leur dis que c'est payé à 100% ailleurs, il y a encore plus de monde qui va être pauvre. C'est certain. Tu peux pas être contre, de toute façon. Si tu n'as pas le payé, pourquoi tu serais contre? Les gens qui sont contre, c'est parce qu'ils veulent pas que ça coûte cher. On veut le même programme qui existe actuellement, puis que le tramway rentre dedans, puis normalement, aujourd'hui, il rentre dedans. Ne changez pas le programme, il rentre dedans. C'est bon, le projet de tramway, il date pas d'hier. Pourquoi réclamer la facture au gouvernement du Québec? Non, je veux juste y rappeler. Je veux juste rappeler que faut que dans un an, ce soit encore là. Hein? Parce que le programme, il est correct actuellement. Le tramway, il rentre dedans. Il n'y a pas de problème. Le problème, il va savoir de l'argent dedans, je ne sais pas. Puis on dit, demandez-nous pas de se mettre la singe sous l'épaule puis aller taxer le monde, aller taxer l'essence pour payer le tramway. C'est non, on fait pas ça. Les 8 millions, là, on ne le prend pas, nous autres. C'est une question de principe, c'est assez. C'est assez. Alors, avant de prendre une décision sur le tramway, est-ce qu'il faut donc attendre de voir les autoroutes Laurentienne et Henri IV à 6 voies? Non, je pense pas. Sinon, la priorité des deux, on va commencer par Henri IV. Parce que normalement, en 2014, on est en plein Zédevie. Alors normalement, en 2015, on est à l'ouvrage. Priorité avant le tramway, c'est sûr, c'est Henri IV à 6 voies. Là. 7h17, donc, extrait d'un point de presse de Régis Labeaume, maire de Québec, hier, à sa sortie de ce qu'il appelle un déjeuner causerie, où le thème central était un tramway, oui, mais... Puis écoute, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de réactions, là, puis je reçois des réactions où on me dit, « Ouais, mais là, il est en contradiction par rapport à ce qu'il disait sur le tramway, puis blablabla, puis bon. » Régis Labeaume va être le premier à admettre, et il l'a fait dans plusieurs entrevues, qu'il a tendance à partir sur des ballons des fois, puis à perdre contact avec la réalité. Puis quand tu voyages, puis tu vois des belles affaires ailleurs... Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il est capable de changer d'idée, là. Oui. Est-ce que c'est la première fois que Régis Labeaume change d'idée? On peut se le dire un matin que la réponse est non, là? Balloon rapaille, balloon forum des cultures. C'était quoi, le mondial des cultures? C'était un événement qu'il y avait eu au Brésil. C'était la... Forum universel des cultures. C'était la meilleure invention depuis le pain tranché, là. Aussi gros que les Jeux olympiques. Oui. Mais, puis regarde... Quand t'es un politicien puis que tu voyages puis que tu vois des belles affaires, c'est vrai que tu dois redevenir un peu un enfant qui veut tout à Noël, tu sais. Ah, je veux ça. Ah, ça me prend ça. Ah, mais à un moment donné, faut que tu choisisses. Tu sais, on demande aux enfants de choisir pour Noël. Là, t'auras pas tout. Là, choisis-toi-en un, t'as tout. Choisis-toi-en un cadeau. Si Régis Labeaume a fait son lit puis que sa décision, c'est de dire le tramway, ça presse pas tant que ça. Peut-être qu'il a écouté ce qui se passait autour de lui. Peut-être qu'il a entendu ce qui se brassait à Québec. Puis peut-être aussi qu'il s'est ramassé dans le trafic sur Henri IV un dimanche après-midi. Tu sais, c'est dur de pas vivre la réalité à Québec. Tu peux pas vivre dans une bulle comme à Montréal. Non, tu peux pas t'écarter de la réalité. Elle finit toujours par venir te rejoindre. Mais il y a beaucoup de choses dans ce qu'il vient de dire. Puis premièrement, c'est vrai là, c'est vrai que le discours a changé un petit peu là, concernant le tramway. Ça, faut l'admettre. Mais l'important, c'est que le discours change pas pendant le mandat qui s'en vient. Tu comprends-tu? Là, c'est ça l'important. C'est que l'important, c'est qu'il nous arrive pas avec un autre changement d'idée en plein mandat. Mais c'est un discours réaliste. Et sais-tu sur quoi, entre autres, je trouve qu'il a particulièrement raison? Puis je me souviens, puis pas que je suis meilleur qu'un autre, mais je me souviens de l'avoir déjà écrit dans le Journal de Québec. L'avenir, c'est quoi dans le transport? C'est quoi l'avenir dans le transport? Est-ce que c'est vraiment le transport en commun? L'avenir dans le transport, c'est tu sais quoi? C'est le char électrique. Moi, je pense que prochainement, mettons dans 10 ans, moi, je pense que toi et moi, on va être au volant d'un char électrique. Tu penses dans 10 ans? Je pense. Je trouve ça rapide. Non, je pense qu'on va être rendu là. Et déjà, je te dirais pas que tu envoies des tonnes. J'écoutais Jacques Duval avec M. Gass encore, justement, la semaine passée. Mm-hmm. Son char préféré, c'est un char électrique actuellement. Ça, c'est un maniaque de vitesse et de performance. C'est pas un enverdeur, là, Jacques Duval. Loin de là. Et tous ceux qui ont essayé les chars électriques me disent une chose, c'est malade. De plus en plus malade. L'avenir, je pense que c'est la voiture électrique. Mais un embouteillage de chars électriques, là, c'est la même affaire. C'est pour ça qu'il faut élargir les routes comme Henri IV et Laurentienne. Il faut prévoir ça. Le troisième lien entre la rive sud et la rive nord, ça fait des années qu'on parle de ça à Québec. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais je pense qu'on devra peut-être concrétiser tout ça un jour. Mais tu comprends-tu que l'avenir, c'est pas nécessairement le transport en commun? Et Régis Labeaume parle de quelque chose de très important aussi, là. Il y a une phrase très importante dans ce qu'il dit. On est des Nord-Américains. On peut-tu arrêter de se faire accroire puis de se prendre pour des Européens? On n'est pas des Européens. On n'est pas en Europe. On s'est pas installé sur le territoire de la même façon. Non. Le territoire est pas le même. Vide. On a un grand territoire vide. L'Europe, c'est pas ça. L'Europe, c'est dense. Il y a du monde partout. Ouais. T'as pas le choix et t'as plus de chances de rentabiliser le transport collectif en Europe. Pourquoi le transport? C'est pas le cas ici en Amérique, là. Pourquoi le transport en commun fonctionne en Italie? Parce qu'il y a 8 fois plus de monde et 300 fois moins de territoire. Quand tu vas en Europe, on fait tout pareil. Je veux dire, on prend le train, mais c'est pas comme ça en Amérique. On est en Amérique du Nord ici, là. Je me cacherai pas que dans ce discours-là, il y a des choses qui me font vouillir. Mm-hmm. Moi, d'entendre, tu sais, moi, je le dis, tu sais, je travaille à Radio X, je suis un gros cave. Je parle à du monde qui sont des imbéciles, c'est comme ça qu'on juge, hein, les gens qui écoutent la radio parler à Québec, on aime ça nous prendre de haut, pis on aime ça penser qu'on est des jambons, des crottés, des néandertals, pis tout ça. Je vis bien que ça, pensez ce que vous voulez, n'a rien à foutre. Par contre, ça, on le dit souvent que c'est pas en écœurant l'automobiliste que tu vas le faire prendre le transport en commun. Combien de fois on a dit ça ici, t'en as? C'est ça. Combien de fois on l'a lu écrit par des auditeurs. Combien de fois Rich Wrangler l'a entendu au téléphone de monde qui sont dans le trafic puis qui sont écœurés puis qui disent « Garde, interdit la voiture, je prendrai pas plus l'autobus. » Mais regarde là, regarde ce qui se passe à Montréal, Denis. Puis ça m'amène à te parler d'un autre élément important dans le discours de Labeaume hier, le parking, le stationnement. Oui. Faut pas enlever des stationnements, il faut en ajouter. Parce que je t'annonce une chose, dans 10 ans, il va y avoir plus de chars qu'aujourd'hui. Et c'est oui. Une réalité. C'est ça, parce là, que la ville va grossir, ça va peut-être être des chars électriques, mais ça reste des chars pareils. Souhaite ce que tu veux pour l'avenir du transport, ça c'est un fait. C'est pas une projection, c'est pas une prédiction, c'est un fait. C'est dans 10 ans, il y a plus de chars qu'il y en a là. C'est que clair. Tu veuilles du vélo, que tu veuilles du patin, que tu veuilles de l'autobus, du tramway, du deltaplane, un funiculaire, dans 10 ans, il y aura plus de voitures à Québec que là. Mais je te le dis, je le pense sincèrement, là, ça va être des chars électriques ou des chars hybrides avec une autre technologie. Je le pense. Là, je pense qu'on va en arriver à ça éventuellement. Tant mieux si mais c'est ça. Mais ça prend des parkings pareils. C'est-tu moi ou un char électrique, faut le parquer pareil? Non seulement faut que tu le parques, mais faut que tu le plugues. Ouais. Fait que de dire et de faire comme à Montréal, et de... puis regarde ce qui est arrivé à Montréal. À toutes les semaines, il y a au moins un article dans la presse ou un reportage à Radio-Canada qui nous dit les commerçants de l'avenue Mont-Royal et de la rue Saint-Denis à Montréal, ils sont en train de mourir avec des taux d'inoccupation des locaux sur l'avenue Mont-Royal à peu près à 10 % actuellement. Pourquoi? Parce que le parcomètre coûte plus cher, il y a plus de parking, il y a des sens uniques et ils sont en train de tuer Montréal. Ben, la bombe est en train de faire exactement le contraire. J'étais content, tabarouette qui parle de parking aussi. Parce que c'est pas banal, ça, là. À Québec, l'exode des entreprises puis des restaurants vers des secteurs avec des stationnements, ça se fait ça déjà depuis un an ou deux, là. Oui, ben oui. C'est super beau, le vieux Québec. Mais ça tente-tu vraiment de rouler pendant une heure pour te trouver un parking? C'est la même affaire. Mais on se pose ça la question des fois, pourquoi Montréal a fait ces erreurs-là puis qu'il faut pas les faire à Québec? Pourquoi Montréal s'est rendu là? Pas parce qu'ils sont plus cons que nous autres. On aimerait ça le penser des fois, mais c'est pas vrai. La différence, c'est qu'à Montréal, le monde ordinaire ne se préoccupe pas de la politique. Ils en parlent pas dans les stations de radio. Ils lisent pas les pages politiques dans le journal. Ça ne les intéresse pas. Résultat, qui gouverne, qui prend les décisions à Montréal? Les journalistes, les petits lobbies, les petits prétentieux, les enverdeurs. On Et gouverne voilà. pour eux autres parce que les politiciens voient juste eux autres. Faut-tu en vouloir à un politicien à Montréal de se déconnecter de la réalité à un moment donné, puis de développer sa ville tout croche en tenant pas compte de la réalité de 90 % du monde? Tu peux pas y en vouloir, parce que 90 % du monde s'en fout à Montréal. C'est ça, puis si vous aimez ça, le transport en commun, là, puis si vous aimez ça, écœurer les automobilistes, déménagez dans Montréal. Lemelin, il devrait déménager à Montréal. Très bien. David Lemelin, qui sac donc le camp? Qui sac donc son camp? On peut-tu l'entendre? Rappelle-nous qui est David Lemelin. Ça, c'est un ancien journaliste de TQS, qui est pas un mauvais gars en passant, là. Mais qui est complètement à côté de la traque et qui a un discours montréalais. Mais là, c'est lui qui se présente contre Régis Labeaume. Lui, il se présente contre Régis Labeaume à la tête du Parti Démocratie Québec. Démocratie Québec, c'est le RMQ rebrandé, avec un nouveau 2.0. branding. 2.0. C'est le RMQ 2.0. C'est le nouveau Coke RMQ. Denis de Belleval est pas très loin. T'as quelques anciens proches de l'allié qui sont pas très, très loin. Anne Guérette est là-dedans, mais en même temps, pas l'air très, très heureuse là-dedans non plus. C'est un discours montréalais, le discours de David Lemelin, qui veut être chef d'opposition. Peut-être que David Lemelin, dans le fond, il devrait se présenter à la mairie de Montréal, lui. C'est peut-être à la mairie de Montréal qu'il devrait se présenter, là. On va l'écouter, David Lemelin, là, mais juste avant, une petite parenthèse. Oui, on va essayer de la garder courte, là. D'après toi, est-ce que Anne Guérette est juste là pour devenir chef après la défaite? Tu penses qu'elle est en stand-by? Parce que des fois, je me demande si elle souhaite pas que David Lemelin se plante. C'est un peu ça, ma question. Parce qu'elle, son parti a comme été avalé par celui de David Lemelin. Puis tu vois que les deux s'entendent pas. Il y a pas de chimie. Là. La chimie est pas là, là. Il y a autant de chimie entre Lemelin et Guérette qu'entre Régis Labeaume et le PQ. Là. Et Pauline Marois. Là. Non, David Lemelin devrait se présenter à la mairie de Montréal ou à la mairie du plateau Mont-Royal plutôt qu'à la mairie de Québec. Là. Écoutons-le. On a un maire aujourd'hui qui parle, qui tient un discours qui date de 1950. C'est incroyable. C'est très clair parce que, dans le fond, au lieu de faire ce qu'on doit faire pour améliorer la situation, ils veulent l'empirer. Les études, ce que ça dit, c'est quand on augmente la capacité du réseau routier, le trafic invariablement finit par combler cet espace-là, puis on revient encore au problème de trafic routier. Si on avait un réseau routier qui était autosuffisant, on peut parler de belles théories comme ça, mais c'est parce que on a tellement pris de retard à Québec que ce discours-là, il tient pas à route. Non, puis je veux dire, on complique beaucoup la situation du trafic à Québec. Tu sais, je comprends qu'il y a du trafic sur Capitale, puis c'est pas le fun d'être dans le trafic à l'heure de pointe. Puis je comprends qu'il y a quelques endroits comme ça à Québec, mais regardez ça autour de vous autres à Québec. Et une des explications du trafic, souvent, ça va être la voie réservée, là. Enlève la voie réservée à bien des endroits, puis Laurier, là, enlève la voie réservée à l'heure ça de pointe. Rouler. Trafic n'aura pas tant que ça, là, je te l'annonce. Élargis Laurentien comme la bombe veut le faire. On va te dire le trafic va diminuer pas à peu près. Les solutions sont simples, là. Ça faisait-tu, on complique beaucoup le problème. Ça faisait-tu du bien à entendre? Ouais, mais Monsieur Labeaume, le PQ, il veut ça. Non, mais c'est parce que le PQ est dans le champ. Ouais, mais Monsieur Labeaume, en Europe, là. C'est ça. Non, mais c'est parce qu'en Europe, c'est pas ici. On est, puis moi c'est ce que j'apprécie de Régis Labeaume. Puis ça, il y a bien peu de politiciens qui sont capables. C'est que quand il est pas sur une bonne traque, bien sûr que Régis Labeaume se contredit une fois de temps en temps. C'est un politicien. Ouais. Par définition, un politicien est condamné à se contredire. Mais à Québec, et c'est là que je vous dis et que je nous dis bravo, à Québec, le monde ordinaire, qui ont des vies et qui ont pas le temps, et qui sont 90% de la population, s'intéresse à ce qui se passe autour d'eux autres. Puis c'est ça qu'il faut qu'il reste la différence entre Montréal et Québec. Et c'est ça qui fait la différence entre un maire qui passe une balloune puis qui revient pas, et un maire qui passe une balloune et qui, à mi-chemin, se rend compte qu'il n'y a plus d'air dans la balloune puis qu'il faut qu'il revienne sur le plancher avec nous autres. Et voilà. Et voilà. Tout aussi simple que ça. Puis vous vous faites haïr par des petits prétentieux qui pensent qu'ils sont meilleurs que vous autres, puis qui ont tellement de fun quand vous vous intéressez pas à politique, quand vous vous intéressez pas aux subventions de théâtre, quand vous vous intéressez pas au développement du transport. Eux autres, ils jouissent, ils ont tout le terrain, puis ils ont le temps, et le temps, et le temps. Puis eux autres, ils haïssent l'auto, puis eux autres, ils haïssent les autoroutes, puis eux autres, ils haïssent les automobilistes. « Hey, t'as-tu bien dormi cette nuit? »« Ah non, j'ai pas dormi de la nuit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Faites un cauchemar rêvant des chars la nuit. » Ça va pas bien entre les deux oreilles. Quand tu laisses toute la place à ces gens-là, tu deviens une ville perdue comme Montréal qui s'enfonce dans un trou qui n'en finit plus de s'engloutir. Exactement. Mais bravo. Bravo à Québec d'être là. Bravo à Québec de donner un son de cloche une fois de temps en temps quand c'est pas à votre goût. Je pense que ça s'est senti des dernières années que le tramway, au détriment de tout à Québec, ça ne passerait pas. Ben, non, c'est pour ça que Régis Labeaume est revenu à réalité. C'est grâce à vous autres. Moi, je vous dis bravo. Je vais être honnête, là. Il y en a d'autres politiciens qui Régis Labeaume qui ont ce discours-là dans la région de Québec. Il y a quelques députés de la CAQ à Québec, là. C'est pas parce qu'on les aime, là. Je vous le dis, là. C'est la réalité, là. Il y a quelques députés de la CAQ à Québec qui ont à peu près le même discours aussi sur l'automobile. Sam Hamad en est un aussi. Ah, ben oui. Ah oui. Qui a toujours eu ce discours-là. On voit moins depuis un bout, là, malheureusement. M'ennuie de Sam Hamad. Moi aussi. Mais que... Puis regarde, il aimait ça rire de sa maman à Montréal, hein? Et qu'il l'haïssait. Et qu'il aimait ça rire de sa maman. Il l'haïssait parce que, premièrement, écoute, lui, il était pas nécessairement très impressionné par la petite clique journalistique montréalaise intimidatrice, là, qui essayait de poussailler un peu des points de presse. Poussez-vous, les clowns, là. Hein? Non, poussez-vous entre vous autres. Il n'embarquait pas tant que ça dans le discours vert. Non. Sa maman, Gérard Deltel. Tu sais, il n'y a pas juste Régis Labeaume. Tu sais, c'est très Québec comme discours. Demandez-vous pas comment ça se fait que Radio X continue de se faire haïr et de déranger autant les acquis, alors que les grands animateurs de radio par qui la radio passait dans le temps, ils ont plus de micro. Comment ça se fait que la Radio X dérange encore? Parce que la Radio X, c'est juste un porte-voix. Le porte-voix du monde ordinaire, qui ont pas le temps, qui ont pas le goût, mais qui, une fois de temps en temps, aiment ça dire « Hey! » Moi, le festival d'été, je verrais ça de même. Hey! Moi, le 400e, je verrais ça de même. Hey! Les Nordiques, j'haïrais pas ça qu'ils reviennent. J'haïrais pas ça qu'on se construise un aréna. Hey, le gros, ça me dérangerait même pas de payer plus de taxes si tu me bâtis un aréna pis que tu crisses les Nordiques dedans. Vous vous faites entendre à Québec? Puis la station de radio, qui est la mienne, qui est la vôtre, vous sert de porte-voix, puis ça, c'est essentiel, puis ça permet de garder sur le plancher des vaches, je pense, des politiciens comme Régis Labeaume. Je pense que oui. C'est pas Labeaume qu'il faut applaudir ce matin, c'est vous autres. C'est vous autres dans vos chars. Ouais, je pense que oui. C'est pour ça que je te dis qu'on dirait qu'il a écouté un peu. Il a écouté la population. Il a écouté un peu ce que les gens lui disaient sur le terrain. Comme pour Clotaire Rapport, puis comme pour les fois où on a viré de bord. Exactement. Comment ça se fait qu'on discute depuis quelques mois, comme par magie, de dire « Hey, le Cirque du Soleil payant pour les prochaines années serait peut-être pas une mauvaise idée. » Pourquoi, d'après vous autres? Faudrait le watcher, par contre. T'sais, moi, je crée toujours le revirement pendant les 4 prochaines années. T'sais, je veux dire, j'ai toujours la crainte de ça. Mais on ne laissera plus à Québec un autre Jean-Paul Lallier se créer. On ne laissera plus faire ça. Moi, je suis convaincu. Faut plus. Il y a trop de monde qui ont commencé à s'intéresser à la politique dans les dernières années. Il y a trop de monde qui sont écœurés de payer pour des affaires qu'ils n'utilisent pas. Puis il y a des gens qui, je pense, ont pris goût dans les dernières années à se faire entendre une fois de temps en temps, à faire entendre autre chose que le point de vue d'un petit prétentieux qui sait pas c'est quoi la vraie vie. Puis que, parce que Il n'y a rien de mal à vouloir remplacer toutes les voitures par des vélos, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu regardes la réalité en face, là. Moi aussi, j'aimerais ça que le foin soit rose puis manger de la barbe à papa dans les arbres, là, mais... J'aimerais ça aussi coucher avec Angelina Jolie, là. Je peux te faire une liste, là. Ça arrivera pas, là. J'aimerais ça jouer pour le Canadien de Montréal sur le premier trio, là. J'aimerais ça être capable de jeter les gants contre Milan Lucic puis de sacrer une volée. Ça arrivera pas. J'aimerais ça monter dans l'octogone puis faire une clé de bras à Georges Saint-Pierre. Ça arrivera pas. À un moment donné, il faut que tu regardes la réalité en face. Puis le problème de la politique, c'est que quand on s'en occupe pas, c'est facile de péter des ballons puis de péter de la broue puis de s'en aller complètement loin de la réalité puis du terre à terre. J'ai hâte de voir ce que le PQ va faire avec tout ça maintenant. Là. Ça c'est l'autre point intéressant parce qu'il n'y a pas de chimie entre le PQ et... D'ailleurs, as-tu lu Karine Gagnon dans le Journal de Québec en fin de semaine? Oui, je l'ai lu. Qui a écrit un peu ce qu'on dit depuis un bout, c'est que Pauline et Régis... Ça fait pas, hein? Ça fait pas. Depuis là. L'appel. L'appel depuis bleu. Depuis m'appelle. Et, regarde, parlons stratégie politique, là, parce que Régis Labeaume n'est pas un saint. Il y a une stratégie derrière ça. Il y a une stratégie de vote, mais il y a aussi une autre stratégie. De faire chier le Parti québécois et Pauline Marois en lui disant, vous voulez du transport? Payez le transport. Ben, c'est ça, c'est que là, il vient de leur pitcher le singe un peu. Puis, écoutez la phrase un matin, la citation de Pauline Marois, là. Passons, ça là, dure une demi-heure, mais elle dit rien. Écoutez, c'est sûr que l'électrification des transports, c'est pour nous un projet majeur. Nous allons proposer un certain nombre d'avenues qui vont nous amener à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous discuterons avec les villes, avec le maire de Québec, ça va de soi, pour voir s'il y a des possibilités de développer ce qu'il nous propose. Puis on peut aussi partager les coûts, mais nous serons équitables. Ça veut dire quoi, ça? Je comprends rien! Ça veut dire quoi, ça? Là, ça, c'est une réponse de politicien fourré que c'est pas... Il y a personne qui a dit quoi répondre, là. Non, fait que là, c'est ça. Il fait du millage. Parle. Fait que là, Régis Labeaume vient carrément de leur pitcher le singe. Ouais. Mais sous-estimez pas qu'une des possibilités aussi du manque de chimie entre Pauline Marois et Régis Labeaume, c'est que dans la liste des successeurs potentiels à Pauline Marois, Régis Labeaume, tu peux pas l'écarter. Tu sens dire qu'il va y aller puis que c'est fait. Il y a personne qui peut dire que Régis Labeaume n'est pas dans la liste potentielle des successeurs à Pauline Marois. Il y a personne qui peut me dire ça sérieusement. Je le vois mal au Parti québécois. Moi, je le vois ailleurs. Quand on sera rendu à se lancer dans les prédictions, on n'est pas rendu là. Mais c'est que Régis Labeaume fait des demandes quand même assez assez claires, entre autres, sur les régimes de pension. Et je suis convaincu que s'il n'obtient pas réponse à ses demandes, c'est un gars qui va faire le saut un jour en politique provinciale, gonflé d'un appui et gonflé de sa réputation de politicien le plus populaire actuellement au Québec. Mais faut être réaliste. C'est rare que quand la politique nous sourit, c'est de notre faute. Pensez-vous que Jean Charest a débloqué des millions pour un amphithéâtre pour nous faire plaisir? Ben non, c'est pas ça qui est arrivé. Là. Pensez-vous que Régis Labeaume tient ce discours-là uniquement pour nous faire plaisir? La réponse, c'est également non. C'est peut-être plus pour faire chier le Parti québécois puis Pauline Marois. C'est peut-être pour des raisons de stratégie politique, mais en même temps, fais-tu du bien une fois de temps en temps qu'on s'occupe de nous autres? Ben oui. Fais du bien. Mais je vous le dis, faut continuer d'être attentif parce qu'à Québec, on ne peut pas se permettre, un, de créer un autre Jean-Paul Lallier, deux, de devenir Montréal. Fait qu'il faut toujours faire attention. Mais je pense qu'on ne deviendra pas. On ne deviendra pas Montréal. Tant mieux. On ne deviendra pas Montréal avec une espèce de maladie mentale qui s'est répandue, qui s'est répandue un peu trop chez les élus à Montréal. La maladie verte, mais en même temps, c'est aux gens de Montréal de se réveiller puis de s'occuper de politique, ce qu'ils ne font toujours pas aux dernières nouvelles, là. Y a-t-il une campagne électorale à Montréal? Y a-t-il des politiciens qui ont été placés dans un coin, qui ont été questionnés sur la réalité? Honnêtement, je plains les Montréalais. Eh, mon Dieu! La campagne électorale montréalaise est d'une platitude, mais d'une platitude épouvantable. Tout le monde a le même discours, hein? Tout le monde est pour les familles à Montréal. Tous les candidats, tu remarqueras ça, sont pour les familles. C'est parce que tout le monde, qui aime pas la famille? Là, qui est contre la famille? Parce que, tu sais, à un moment donné, ils veulent tout redonner à fierté aux Montréalais. Mais ils disent rien, tu sais, il y a rien. Il y a rien dans cette campagne-là. C'est plate à mourir. Il faut s'arrêter. Il est 7h37 dans le show du matin. Show du matin.